Alors, on va y revenir, qui est installé à Cadarache, hein, et c'est un projet international. Qui consiste de passer de la fission nucléaire à la fusion nucléaire. ITER, ça consiste à recréer un soleil sur Terre. C'est ça. Par la fusion. Par la fusion des noyaux légers. C'est ce qui se passe dans le soleil. Le problème, si vous voulez, c'est que dans le soleil, c'est des centaines de millions de degrés, et ça va faire pareil. Et donc, dans quoi peut-on faire cette réaction avec des centaines de millions de degrés? Alors c'est prodigieux, ça va se faire dans un champ magnétique, donc ça va pas toucher les bords, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très complexe, mais c'est très prometteur. Alors on va revenir sur tout cela. Repartons au Japon avec cette catastrophe de Fukushima. Ce qui frappe d'entrée dans cette histoire, c'est qu'il y avait déjà eu une alerte en 2007 à Kashiwazaki. Et puis les Japonais ont dit, mais non, notre technologie est sûre. Ce que disent les Français encore, parce qu'il n'y a pas eu de catastrophe, évidemment. Et puis est arrivé Fukushima. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, vous, quand vous avez appris la catastrophe de Fukushima, dans ce pays qui était et qui est encore technologiquement beaucoup plus avancé que ne l'était l'URSS? Parce que Tchernobyl, on se disait, bon, ce sont des vieilles mécaniques, mais le Japon, c'est la France, c'est pareil. Les choses se sont passées en deux temps. Oui. D'une part, ces images monstrueuses du tsunami, monstrueux. Ça veut dire qu'au fond de l'océan, ils sont sur une zone sismique importante, quoi. Au fond de l'océan, il y a dû avoir un effondrement qui a créé cet appel de mer et puis ce renvoi prodigieux. Et donc, on assistait à des images où on voyait des camions se faire transporter, un village qui était rasé. Donc, on était devant ces images-là de tsunami. Et deuxièmement, on voit qu'au fond, dans le village, là, la centrale nucléaire commence à être touchée. Et ça, c'est en deuxième temps avec ces images d'explosion. Donc ça, c'était vraiment des images de fin du monde. Et c'est surprenant, effectivement, on peut dire a posteriori. C'est surprenant d'avoir construit cette centrale-là. Mais le Japon, tout entier, est sur une zone sismique. Et le Japon a toujours essayé d'être indépendant énergétiquement, sans dépendre effectivement des énergies carbonées. Est-ce que pour vous c'est une impéritie d'avoir construit tant de centrales nucléaires sur un territoire comme le Japon qui est quasi entièrement sismique? Oui, mais on pourrait dire pourquoi ils vivent là, si vous voulez, parce que tout est sismique, donc ils ont tout prévu. Tokyo, enfin, on voit régulièrement des images de gens qui travaillent dans des immeubles et tout d'un coup on voit que ça bouge, ils y sont un peu habitués, ils ont des plans qui sont faits d'évacuation. C'est pareil un peu en Californie. Et d'ailleurs, en Californie, il y a aussi une centrale. Elle vient d'être fermée, mais il y avait une centrale à proximité. De la faille de Saint-Andréas, c'est ça? De la faille Saint-Andréas, oui. Donc, il y a des ingénieurs qui ont estimé, il y a quelques décennies, que c'était sûr. Mais effectivement, ça, c'est chercher la complexité de se mettre sur des failles sismiques. Le nucléaire, alors certains veulent s'en passer, on a tendance, pourrait dire, facile à dire, hein. Les lobbies sont importants, au Japon notamment le lobby nucléaire, qui est aussi un lobby d'argent, hein, est très important. Donc comment faire quand une puissance industrielle est aussi quasiment une puissance économique et politique dans un pays, dès lors que le lobby est fort? Il y a trois niveaux d'énergie en fonction de leur densité, hein. Il y a les énergies renouvelables, qui sont à la base de ce qu'on sait, soleil, vent. Mais si vous regardez, tout est soleil. Il y a géothermie, et le reste, c'est du soleil. Le vent, c'est du soleil. Remplir les barrages par évaporation de l'eau de mer, c'est du soleil. Les éoliennes, c'est des différences de température qui créent anticyclone, cyclone, c'est du soleil. Même les usines marémotrices, c'est la lune et le soleil qui jouent, si vous voulez, ça déplace des masses d'eau. Donc, quasiment, à part la géothermie, tout est soleil. Ça, c'est des énergies inépuisables, gratuites, sauf l'exploitation, bien sûr, mais la ressource est gratuite. Leur intensité est faible, donc il faut multiplier énormément les capteurs. Vous avez au centre des énergies beaucoup plus denses, qui sont les énergies fossiles, qui ont une densité importante. Si vous voulez, on connaît le gaz, le pétrole et le charbon, celles qu'on exploite aujourd'hui au maximum pour le développement industriel du monde. Elles ont une densité énergétique conséquente avec le grave inconvénient du réchauffement climatique. Et puis à l'autre bout, vous avez E égale MC2. E, c'est l'énergie. M, c'est la masse de la matière. C, c'est la vitesse de la lumière. Quand vous faites une fusion de noyaux légers, comme il se passe dans le Soleil, quand vous faites une fission de noyaux lourds, l'uranium par exemple, vous avez une production d'énergie qui est proportionnelle au carré de la vitesse de la lumière. Quand Einstein a trouvé ça, il a eu une frayeur, il avait raison, il s'est dit on va faire une bombe avec ça. C'est mal né le nucléaire, si vous voulez, avec ces deux bombes qui ont existé. Au Japon. Hiroshima, Nagasaki. Et Nagasaki, voilà. Donc, si vous voulez, le nucléaire se trouve dans une situation d'être extrêmement mal né. En plus, le nucléaire civil aujourd'hui produit, que l'on sait, des déchets nucléaires à très longue vie. Et puis on a toujours ces craintes, Fukushima est l'exemple, d'un accident nucléaire. Donc la question c'est, les énergies renouvelables vont-elles dans le futur pouvoir couvrir tous nos besoins énergétiques? C'est ça la question. Si on fait la somme de toutes ces énergies-là, il y a de quoi. Mais il faudrait multiplier le nombre des capteurs et surtout avoir des performances de stockage de ces énergies renouvelables, d'électricité produite, que l'on ne voit pas venir, si vous voulez. Et au milieu, vous avez cette énergie de stock, fossile, charbon, gaz, pétrole, qui va finir un jour par s'épuiser. Oui. Et il faudra passer des énergies de stock à des énergies de flux. Flux léger des renouvelables et peut-être grand flux nucléaire, mais nucléaire du futur. Je ne parle pas des générations 2 et 3. Je parle de la génération 4, qui sont des digesteurs, qui vont pouvoir redigérer les déchets nucléaires que nous avons. Ah, on va y arriver. Bah, et oui. Surtout ITER, qui est magnifique. ITER, c'était cette idée merveilleuse. Quand je dis que tout est soleil dans les renouvelables, avoir l'idée de refaire un soleil sur Terre, c'est pas idiot. Voilà. Et alors, on rappelle que ITER, donc, basé à Cadarache, dans le sud-est de la France, aux confins du Var et des Bouches-du-Rhône, a été une grande bataille pour savoir où on allait l'installer, oui. Parce que c'est international, c'est international. Les puissances nucléaires se mettent ensemble pour arriver à cette technique dite de la fusion, qui donnerait ce soleil artificiel qui serait pour vous donc la solution. C'est intéressant. Mais c'est une solution parce que on ferait la fusion des noyaux légers d'hydrogène et de ces isotopes. C'est inépuisable, si vous voulez, quoi. Et ça ne provoque pas de déchets, on peut dire, consistants. Et c'est à Cadarache, vous le soulignez, c'était Claudie Agnoret, qui était ministre de la Recherche à ce moment-là, qui avait négocié cette installation. C'est une sacrée bataille. Et c'est planétaire. J'ai été visiter tous les pays parce qu'en fait, alors, les détracteurs disent que c'est cher. On parle déjà de 15 milliards, voilà. Mais 15 milliards. Il y a plusieurs contributeurs, il n'y a pas que la France, puisque c'est international. Attendez, mais 15 milliards, c'est le prix des Jeux Olympiques de Londres. Et c'est la moitié des Jeux Olympiques de Sochi. Et on parle quand même de la recherche de l'énergie à l'échelle planétaire. Sachant qu'on va être 10 milliards en 2050, que 75% de la population sera concentrée dans les mégapoles. Comment est-ce qu'on va alimenter tout ça? Sachant qu'on va avoir des besoins d'eau, il va falloir dessaler l'eau de mer. Ça consomme beaucoup. S'il fera chaud, des canicules qui arrivent, on va pas se passer de climatiseurs. On va vers une société qui réfléchit à l'économie d'énergie, mais en même temps, dont la population et les besoins croissants font que il y a une grosse interrogation sur est-ce que les renouvelables pourront produire 100% de nos besoins. Bien, alors. Ça, c'est le futur. On va quand même parler du présent et du futur proche. Qu'est-ce qu'on en fait de nos centrales nucléaires? Je rappelle que la France, si on établit un ratio entre le nombre d'installations nucléaires et le territoire, la France est le pays le plus nucléarisé au monde. Au monde. On rappelle, on l'a dit dans le récit d'ailleurs, qu'un Français ne peut pas habiter plus de 120-130 km plus loin qu'une centrale. Donc, on est totalement maillé. Il y a un maillage du terrain qui est impressionnant. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, sachant qu'il y a le problème des déchets et qu'on s'est lancé dans une industrie sans penser à la gestion des déchets générés par cette industrie-là. Donc ça fait beaucoup de beaucoup de choses. On commence par un lourd héritage. Un lourd héritage. On va commencer par les centrales nucléaires, parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure. Ces centrales qui sont vieilles maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Avant de répondre, Jean-Louis-Étienne, avant de répondre, on va écouter une archive là-dessus, d'accord? Et puis après on va la commenter. C'est le président Nicolas Sarkozy. C'est Nicolas Sarkozy au moment où il était président, qui est en visite à EDF quelques semaines après la catastrophe de Fukushima. Je veux que les choses soient claires. Face au manque de sang-froid de tant d'observateurs qui, ne connaissant rien au nucléaire, font des amalgames et disent des choses qui ne sont pas respectueuses du travail de nos ingénieurs et de nos techniciens. En tant que chef de l'État, j'ai confiance dans la sécurité du parc nucléaire français. Je veux préciser les choses devant vous. Continuer dans le nucléaire, faire confiance au nucléaire, c'est continuer à investir dans le nucléaire. Soit on croit dans le nucléaire et dans sa sûreté, et dans ce cas-là, on continue à investir dans le nucléaire, soit on ne croit pas dans le nucléaire, et dans ce cas-là, on arrête le nucléaire et on ferme le nucléaire. Mais dire, on fait le moratoire, on garde nos 58 centrales, on bouge pas et on attend que le ciel nous tombe sur la tête, c'est le choix du passé, c'est le choix du Moyen-Âge. Et il faudrait que, parce qu'il y a eu un tsunami au Japon, on remette en cause ce qui fait la force de la France. Ce serait un choix irréfléchi et déraisonnable. Voilà, donc prise de position ouvertement favorable de Nicolas Sarkozy au nucléaire, favorable au nucléaire. N'empêche que nos centrales, elles sont vieilles. Est-ce que c'est un sujet de préoccupation pour vous ? C'est une vieille conception. Ça ne veut pas dire qu'elles sont usées. C'est une conception ancienne, une conception d'il y a 60-70 ans. Je fais toujours le rapprochement avec les moteurs d'explosion de nos voitures qui consommaient 25 litres au 100, vous voyez, à cette époque-là. Elles ont quelques décennies devant elles. Ça va finir. Parce que elles vont entrer dans une situation où elles vont être en bout de course et la sécurité donnera elle-même les décisions de les fermer. Mais ce que soulève le président Sarkozy, c'est une vraie question. 7 prises sur 10 à la maison sont alimentées par une centrale nucléaire. Oui, 75% de notre électricité produite par le nucléaire. Ça fait 7 prises sur 10. C'est ça. Vous voyez, supprimer 7 prises à la maison, il en reste moins. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc on est obligé de parler d'une transition. Et la transition va être coûteuse, elle va être lourde, elle va prendre du temps. Donc on a mis en mi-chemin entre le nucléaire futur, on a mis à mi-chemin entre la génération 2 actuelle, c'est la génération 3, c'est les EPR, qui ne marchent pas encore, vous voyez. Mais cette interrogation permanente, comment va-t-on passer de cette énergie massive à l'exclusivité des énergies renouvelables ? Parce qu'au milieu, il va quand même falloir s'occuper du climat. Mais oui. Vous voyez, le charbon est le pire ennemi du climat et c'est ce qui fait tourner le monde aujourd'hui. Pour nous, Français, le charbon, c'est Renault qui chante les corons, c'est Émile Zola, c'est les musées de la mine dans le Nord. Il y en a deux encore, centrales au charbon, qui tournent en France. Mais le monde marche au charbon. La Chine marche au charbon. L'Inde marche au charbon. C'est intéressant, il y a la COP24 qui se passe en Pologne. 94% de l'électricité polonaise est faite au charbon. Oui, je ne sais pas ce qu'ils vont dire. Ouais. Et je rajoute, les Allemands qui ont décidé politiquement de sortir du nucléaire sont repassés au charbon. Ils achètent le charbon aux États-Unis parce que les États-Unis sont passés au gaz de schiste et ils ont repris l'exploitation de leur mine du lignite qui est quand même une saloperie. Donc, vous voyez ce que je veux dire. En même temps, les Allemands ont développé le solaire et l'éolien. Les Allemands ont une acceptation que nous n'avons pas. Quelle acceptation ? Aujourd'hui, on parle de mettre des éoliennes en mer. C'est une bonne solution. On arrive aujourd'hui à faire des éoliennes de 8 mégawatts. C'est des gros moulins. Et il faut les mettre là où il y a du vent. Le vent, il est constant et il y en a au large. Oui. Bon, on n'arrive pas à se mettre d'accord pour savoir où est-ce qu'on va les mettre. Donc ça fait 10 ans que ça va d'un projet à une concertation, puis à un autre projet. On avait projeté de faire des usines de création de pales, de tout ça. On a été racheté. On n'est plus dans ce marché-là, si vous voulez. Donc on a un problème d'acceptation en France de ces énergies renouvelables. Moi, j'ai survolé l'Allemagne en ballon en préparant une expédition. C'est café d'éoliennes. Alors, moi, j'en ai 6 chez moi, donc j'ai donné l'autorisation. J'ai 80 panneaux solaires sur mon toit. Je sais ce que ça veut dire. On vit très bien avec, mais il faut choisir. Vous avez chez vous, c'est intéressant, vous avez un panier énergétique mixte. Alors, les 6 éoliennes, elles sont pas à moi, elles sont à la commune. Mais je me souviens, la maire de la commune est venue me voir. J'étais la grosse carpe du département du Tarn et on craignait une chose, c'est que avec cette image d'écolo, j'interdise l'installation de ces 6 éoliennes. Horreur, retour à la bougie. Et donc la maire que je connaissais me dit, tu sais, ça me financer la moitié de la voirie, et c'est important et puis ça nous permet de... Je dis, mais vas-y, c'est à 800 mètres de chez moi. Sincèrement, c'est pas le bruit que ça fait qui me dérange. Et sur le toit, j'ai 80 panneaux solaires. Je suis producteur d'électricité que je revends à l'EDF. Donc, je sais ce que c'est. J'ai fait des expéditions où la préciosité de l'énergie, on la ressent. C'est précieux, l'énergie. On ne se rend pas compte de la quantité qu'on consomme. On s'en rend compte quand, tempête de neige dans les Pyrénées, un village de la fond de la vallée est privé d'électricité. Ils font l'ouverture du journal télévisé. Vous voyez, problème, on ne va pas alimenter les stations, les réservoirs d'essence parce qu'il y a une grève de machin. Marcel va vite faire le plein, on n'aura pas l'essence pour dimanche. On a une dépendance à l'énergie que l'on ignore, que l'on sous-estime. Alors, Jean-Louis Etienne, je dirais que juste qu'on termine sur le chapitre nucléaire, je vois qu'il vous inspire, qu'il est intéressant, avec les déchets, tout de même, est-ce que c'est pas le plus grand problème que d'avoir inventé, de s'être lancé dans une industrie qui générait des déchets, et on savait que ça allait faire des déchets, et on sait plus quoi en faire, puisqu'on attend que le site d'enfouissement en couche géologique profonde à Bure soit opérationnel, et entre-temps, ils vont où les déchets? Qu'est-ce qu'on en fait? Ils sont stockés pour le moment. Si vous voulez, c'est l'héritage du général de Gaulle, il voulait qu'on soit une puissance nucléaire formidable. Non, c'est clair, oui. Bon, et puis on a investi sur le nucléaire militaire, et puis on s'est dit pourquoi pas faire l'électricité avec, et on a multiplié. D'ailleurs, pas mal de génératrices ont été achetées aux États-Unis, elles ne viennent pas toutes de l'industrie française, et il y a ces déchets. On peut pas fermer les yeux devant ces déchets. Donc il y a des solutions qui sont proposées, de les ensevelir profondément. Pourquoi pas? Sinon, les mettre où? Personne n'a la solution magnifique. Mais on a confié à des ingénieurs auxquels il faut faire confiance, parce que qu'est-ce qu'on en fait, vous voyez? Il y a ce déchet, il nous gêne, et c'est vrai, mais il y a un autre déchet qui nous gêne beaucoup, et dont on va parler, c'est le gaz carbonique. C'est un déchet dont on ne sait pas quoi faire. C'est un déchet de combustion, le gaz carbonique, et qu'on ne sait pas recycler du tout. C'est exactement comme les déchets nucléaires, ce sont les déchets de la production énergétique. Jean-Louis Etienne, le 16 janvier prochain, vous sortirez un autre livre écrit de votre main, ça s'appelle Pôle Nord, Pôle Sud, hein, c'est bien ça. Le récit du premier homme qui a atteint le pôle Nord à pied, parce que vous connaissez l'exploit, ça nous fait rêver. Mais au-delà du rêve, il y a une préoccupation qui est là, bien palpable, celle du changement climatique. Mmh. On le sait vraiment par les pôles qu'on peut mieux le mesurer, c'est un vrai marqueur important. Oui, le réchauffement, c'est quand ça se réchauffe, c'est la glace qui trinque. Hein, ouais. C'est un premier, quoi. Donc effectivement, c'est le pôle Nord et le pôle Sud qui sont affectés. Le pôle Nord est au milieu d'un océan recouvert par une couche de glace qu'on appelle la banquise. Et tous les ans, on voit que la banquise diminue de surface, elle diminue d'épaisseur. Et ce froid va nous manquer. On a ouvert la porte du frigo là-haut. Mmh. Et ensuite, en Antarctique, c'est un grand continent couvert de glace. Et on s'aperçoit, avec le réchauffement, si vous voulez, qu'il y a une érosion de la croûte de glace qui est autour, de la calotte de glace, et donc ça produit davantage d'icebergs qui vont alimenter en eau l'océan, dont le niveau monte. Sans aller si loin, vous allez à Chamonix, la mer de glace est en régression extraordinaire, la régression de la mer de glace. Donc le réchauffement climatique est une évidence. Alors justement, Comment se fait-il, puisque c'est une évidence, qu'il y ait ce mouvement qu'on appelle les climato-sceptiques, mais c'est quasiment des négationnistes du climat, puisqu'on leur apporte les preuves. Oui. Comment peuvent-ils, qu'ils continuent à parler, évidemment, et heureusement nous sommes en démocratie, il n'y a pas d'élite d'opinion, heureusement. Mais enfin, sur quelle base, quoi, puisqu'ils n'ont pas, eux, ils n'ont pas les preuves. Vous les avez. Le réchauffement climatique n'est pas un sujet de discussion. C'est une mesure scientifique. Je vous explique. La température moyenne de la Terre, à la surface de la Terre, s'est réchauffée de 1 degré en un siècle. C'est ça le réchauffement climatique. 1 degré en un siècle. Ça nous paraît dérisoire, mais à l'échelle de la planète, c'est une absorption de chaleur colossale. À l'opposé, deux personnes le matin vont acheter la baguette de pain. Salut, ça va? T'as vu le temps qu'il fait? Les deux mamelles de la conversation. La santé et le temps qu'il fait. Oui. Si c'est au mois de mai qu'il fait froid, ils vont dire, qu'est-ce que t'en penses, toi, Marcel? Ça se réchauffe, tu crois? Regarde comme il fait froid. Marcel, il va dire, oui, t'as raison, le réchauffement climatique, c'est une histoire. On parle du temps qu'il fait. Le réchauffement climatique, c'est une élévation de la température moyenne de 1 degré à la surface de la Terre. Quand Trump raconte qu'il fait très froid à New York et il va faire satisfaire très très froid à New York et à Montréal, il dit, il nous raconte des conneries, regardez comme il fait froid. Il oublie de dire qu'au même moment, de l'autre côté, en Afrique du Sud et en Australie, il y a des sécheresses énormes, il y a des canicules qui sont destructives. C'est la valeur moyenne de la surface. Ce n'est pas perceptible. Donc, on a perdu du temps. Alors, les politiques disaient, moi je ne dis pas réchauffement climatique comme si c'était pas bien, vous voyez, on parle de changement climatique. Non, c'est le réchauffement climatique. Oui, vous avez raison. Moyen. J'ai dit changement climatique, deux claques. C'est deux claques. Réchauffement. C'est le réchauffement qui est responsable du changement qui arrive. Bien. Et on finira avec cette phrase. Ça sera le mot de la fin comme une morale. Ne parlez plus de changement climatique, mais de réchauffement. Voilà. Absolument. Merci. C'est une réalité. Merci. Au revoir.